Lodate Maria, Roda, Roda, Roda, Roda, Roda, Roda, Roda, Roda, Roda, Roda, Roda, Roda, Roda, Roda, Roda, Roda, Roda, Roda, Lodate Maria, Lodate Maria, Lodate, Lodate Maria, Lodate, Lodate, Lodate Maria, Lodate, Lodate, Lodate Maria, Lodate, Lodate, Lodate Maria, Lodate, mais en toute vie, sans progrès, vous ne serez pas accueillis. Sortez de votre place et dites même la plaisir de votre vie, volée à vie, la volonté, la seconde pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est le plus immense. Je vous déclare, au jour du jugement, Sodome sera traité moins sévèrement que cette vie. Acclamons la parole de Dieu. On va aller au Calvacis. Il y avait la lumière de l'autre. Maintenant, on va. Dès le début du voyage de Jésus vers Jérusalem, l'évangéliste nous indique la tâche confiée aux 72 disciples. Allez dans les villes où Jésus se trouve pour préparer les gens à la rencontre avec moi. Ils ne sont pas appelés à rester dans les villes de Jésus, ni à gérer les habitudes ordinaires, fustelles religieuses. Les disciples ne sont pas appelés missionnaires, c'est-à-dire des communicateurs de l'évangile. Ils sont envoyés pour préparer le cœur des hommes et des femmes à accueillir le Seigneur. Grégoire le Grand, commentant ce passage, note que Jésus a envoyé ses disciples deux par deux pour que leur première annonce soit celle de l'amour mutuel. L'amour est en effet la grande force des disciples de tous les temps. L'amour du Seigneur gagne le cœur des doux de ce monde, comme l'a constaté François-Séphine. C'est pourquoi les disciples doivent emporter avec eux uniquement l'évangile, c'est-à-dire l'amour du Seigneur. Avec ce bagage, qui est à la fois frère et fort, nous pouvons parcourir le chemin du monde en rendant témoignage non pas à nous-mêmes de nos traditions, et de nos convictions, mais de celui qui nous a envoyés. Ainsi, le monde change. Thank you. ubique habitas et amo Deus ibi ubique habitas et amo Deus ibi ubique habitas et amo ubique habitas Deus ibi ubique habitas et amo Deus ibi ubique habitas et amo Deus ibi ubique habitas et amo ubique habitas Deus ibi repose tout en vous. Ok. Ok. Thank you. Thank you. Change notre terre.